Chapitre 8. Le grand coup. La porte battit brusquement, autocratiquement, fit courir d'un bout à l'autre de l'agence un coup de vent qui gonfla les voiles bleues, les Macintosh, agita les factures aux doigts des employés et les petites plumes des toques voyageuses. Des mains s'étendirent, des fronts s'inclinèrent. J. Tom Lévis venait d'entrer. Un sourire circulaire, deux ou trois ordres très brefs à la comptabilité, le temps de demander avec une intonation extraordinairement exultante si l'on avait fait l'envoi à Monseigneur le Prince de Galles, il était déjà dans son cabinet et les employés se signalaient l'un à l'autre, par des clignements d'yeux, l'étonnante bonne humeur du patron. Bien sûr, il se passait quelque chose de nouveau. La paisible Sephora elle-même comprit cela derrière son grillage et s'informa doucement en voyant entrer Tom. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Des choses, » dit l'autre dans un large rire silencieux, avec son tournoiement d'yeux des grandes occasions. Il fit signe à sa femme. « Viens !» Et tous deux descendirent les 15 marches étroites et raides, doublées de cuivre, qui menaient à un petit boudoir en sous-sol, fort coquettement tapissé et tendu, avec un divan, une toilette princesse, éclairée au gaz presque constamment, le petit hublot par lequel l'endroit prenait jour sur la rue Royale, restant fermé d'un verre dépoli, épais comme un morceau de corne. De là, on communiquait avec les caves et la cour, ce qui permettait à Tom d'entrer, de sortir, sans être vu, d'éviter les fâcheuses et les créanciers, ceux qu'en argot parisien on appelle les pavés, c'est-à-dire des personnes ou des choses qui gênent la circulation. Avec des affaires aussi compliquées que celles de l'agence, ces ruses de Comanches sont indispensables, sans quoi la vie s'userait en querelle, en contestation. Les plus vieux employés de Tom, des gens qui le servaient depuis des 5 et 6 mois n'étaient jamais descendus dans ce mystérieux sous-sol où Sephora avait seul le droit de pénétrer. C'était le coin intime de l'agent, son dedans, sa conscience, le cocon dont il sortait chaque fois transformé, quelque chose comme une loge de comédien, à laquelle, du reste, le boudoir ressemblait fort en ce moment, avec ses becs de gaz éclairant le marbre, les tentures falbalassées de la toilette et la mimique singulière à laquelle se livrait J. Tom Lévis, agent des étrangers. D'un tour de main, il ouvrit sa longue redingote anglaise, l'envoya loin, puis un gilet, puis un autre, les gilets multicolores de l'homme du cirque, désentortilla les 10 mètres de mousseline blanche qui formaient sa cravate, les bandes de flanelle superposées autour de sa taille, et de cette majestueuse et apoplectique rotondité qui courait Paris dans le premier, le seul cab connu à cette époque, sortit tout à coup, avec un ouf de satisfaction, un petit homme sec et nerveux, pas plus gros qu'une bobine dévidée, un affreux voyou de Paris quinquagénaire, qu'on eût dit sauvé du feu, tiré d'un four à plâtre, avec les rides, les cicatrices, les tonsures dévastatrices de l'échaudement, et, malgré tout, un air gêné, gaminaille, d'ancien mobile de 48, le véritable Tom Lévis, c'est-à-dire Narcisse Poitou, fils d'un menuisier de la rue de l'Orillon. Grandi dans les copeaux de l'établi paternel jusqu'à 10 ans, de 10 à 15 élevé par la mutuelle et par la rue, cette incomparable école à ciel ouvert, Narcisse avait senti s'éveiller en lui de bonne heure l'horreur du peuple et des métiers manuels, en même temps une imagination dévorante que le ruisseau parisien, avec ce qu'il charrie d'hétéroclites, alimentait mieux que n'importe quelle traversée au long cours. Tout enfant, il combinait des projets, des affaires. Plus tard, cette mobilité du rêve l'empêchait de fixer ses forces, de les rendre productives. Il voyagea, entreprit 1000 métiers. Mineur en Australie, squatter en Amérique, comédien à Batavia, records à Bruxelles, après avoir fait des dettes dans les deux mondes, laissé des pavés aux quatre coins de l'univers, il s'installa agent d'affaires à Londres, où il vécut assez longtemps, où il aurait pu réussir, sans sa terrible imagination insatiable, toujours en quête, imagination de voluptueux, en perpétuelle avance sur le plaisir prochain, qui le rejeta dans la noire misère britannique. Cette fois, il roula très bas, fut ramassé la nuit dans Hyde Park, comme il braconnait les signes du bassin. Quelques mois de prison achevèrent de le dégoûter de la libre Angleterre. et il revint à l'état d'épave, échoué le long du trottoir parisien d'où il était parti. Ce fut encore un caprice fantasque, joint à ses instincts de pitre, de comédien, qui le fit se naturaliser anglais en plein Paris, ce qui lui était facile avec sa connaissance des mœurs, de la langue et de la mimique anglo-saxonne. Cela lui vint d'instinct, subitement, à sa première affaire, à son premier grand coup d'entremetteur. « Qui faut-il que j'annonce ?» lui demandait insolemment un grand coquin en livrée. Poitou se vit si râpé, si triste, dans la vaste antichambre, tremblant d'être éconduit avant qu'on n'eût pu l'entendre. Il éprouva le besoin de relever tout cela par quelque chose d'anormal et d'étranger. « Oh ! Annoncez Sir Tom Lévis !» Et tout de suite, il se sentit d'aplomb sous ce nom improvisé à la minute, dans cette nationalité d'emprunt, s'amusa à en perfectionner les particularités, les manies, sans compter que la surveillance attentive de son accent, de sa tenue, corrigea bien vite sa verve exubérante, lui permit d'inventer des trucs, tout en ayant l'air de chercher ses mots. Chose singulière, des innombrables combinaisons de ce cerveau plein de trouvailles, celle-là, la moins recherchée de toutes, lui réussit le mieux. Il lui dut la connaissance de Sephora, qui tenait alors aux Champs-Élysées une sorte de family hôtel, logé coquet à trois étages, rideau rose, petit perron sur l'avenue d'Antin, entre de larges alphates et gayé de verdure et de fleurs. La maîtresse de maison, toujours en tenue, présentait à une fenêtre du rez-de-chaussée son profil calme et divin, penché sur quelque ouvrage ou sur son livre de caisse. Là-dedans, une société bizarrement exotique. Clown, bookmaker, écuyer, marchand de chevaux, la bohème anglo-américaine, la pire de toutes, l'écume des placeurs et des villes de jeu. Le personnel féminin se recrutait parmi les quadrilles de Mabille, dont les violons s'entendaient tout près les soirs d'été, mêlés au bruit des disputes du familé, à l'écroulement des jetons et des louis, car on jouait gros jeu après dîner. Si, parfois, quelque honnête famille étrangère, trompée par le mensonge de la façade, venait pour s'installer chez Sephora, l'étrangeté des convives, le ton des conversations, la chassait bien vite, le premier jour, éperdue, les mâles à peine défaites. Dans ce milieu d'aventuriers, de faiseurs, Maître Poitou, ou plutôt Tom Lévis, ce petit locataire logé sous les combles, conquit bien vite une situation par sa gaieté, sa souplesse, sa pratique des affaires, de toutes les affaires. Il plaçait l'argent des domestiques, gagnait par eux la confiance de leur maîtresse. Comment ne l'aurait-il pas eu, avec cette bonne figure ouverte et souriante, cet entrain infatigable qui faisait de lui le convive précieux de la table d'hôte, allumant le client, amorçant la nappe, bout en train des paris et des consommations. Si froide, si fermée pour tous, la belle hôtesse du familé n'avait d'abandon qu'avec M. Tom. Souvent, l'après-midi, en rentrant, en sortant, il s'arrêtait dans le petit bureau de l'hôtel, propre, tout en glace et en sparterie. Sephora lui racontait ses affaires, lui montrait ses bijoux et ses livres, le consultait sur le menu du jour ou sur les soins à donner au grand arôme à fleurs encornées qui baignait auprès d'elle dans une faïence de Minton. Ils riaient ensemble des lettres d'amour, des propositions de toutes sortes qu'elle recevait, car c'était une beauté que le sentiment n'altérait pas. Sans tempérament, elle gardait son sang-froid partout et toujours, traitait la passion comme une affaire. On dit qu'il n'y a que le premier amant qui compte. Celui de Sephora, le sexagénaire choisi par le père Limans, lui avait gelé le sang pour jamais et perverti l'amour. Elle n'y voyait que l'argent, et puis aussi l'intrigue, les ruses, le trafic, cette admirable créature étant née dans la brocante et seulement pour la brocante. Peu à peu, entre elle et Tom, un lien se formait, une amitié donc la pupille. Il la conseillait, la guidait, toujours avec une adresse, une fertilité d'imagination qui ravissait cette nature posée et méthodique où le fatalisme juif se mêlait au lourd tempérament des Flandres. Jamais elle n'inventait, n'imaginait rien, tout à la minute présente, et le cerveau de Tom, cette pièce d'artifice toujours allumée, devait l'éblouir. Ce qu'il acheva, ce fut d'entendre son pensionnaire, un soir qu'il avait baragouiné de la façon la plus comique pendant le dîner, lui dire à l'oreille, en prenant sa clé dans le bureau du familé, « Et vous savez, pas anglais du tout. Dès ce jour, elle s'est pris, ou plutôt, car les sentiments ne valent que par l'étiquette, elle se toqua de lui, comme une femme du monde se toque du comédien qu'elle est seule à connaître, loin de la rampe, du phare, du costume, tel qu'il est, et non tel qu'il paraît aux autres. L'amour voudra toujours des privilèges. Puis, tous deux sortaient du même ruisseau parisien. Il avait sali le bas des jupes de Sephora, et Narcisse s'y était roulé. Mais ils en gardaient également la souillure et le goût de vase. L'empreinte faubourienne, le pli crapuleux qui sert de ficelle à la physionomie en guignol du voyou et qui soulevait parfois un coin du masque de l'anglais, Sephora les laissait voir par éclair dans les lignes bibliques de son visage, les retrouvait dans l'ironie, dans le rire canaille de sa bouche de Salomé. Cet amour singulier de la belle et du monstre ne fit que s'accroître à mesure que la femme entra mieux dans la vie du pitre, dans la confidence de ses trucs, de ses singeries, depuis l'invention du cab jusqu'à celle des gilets multiples, à l'aide desquels J. Tom Lévis, ne pouvant se grandir, essayait au moins de paraître majestueux. À mesure qu'elle s'associait à cette existence imprévue, tourbillonnante de projets, de rêves, de grands et de petits coups. Et ce singe d'homme était si fort qu'après 10 années de ménage légitime et bourgeois, il l'amusait, la charmait encore, comme au premier temps de leur rencontre. Il aurait suffi pour s'en convaincre de la voir ce jour-là renversée sur le divan du petit salon, se tordre, se rouler de rire, en disant d'un air ravi, extasié « Est-il bête ? Est-il bête ?» Pendant que Tom, en collant et tricot de couleur, réduit à son expression la plus sobre, chauve, anguleux, osseux, se livrait devant elle à une gigue frénétique, avec des gestes en bois et des trépignements enragés. Quand tous deux furent là, elle de rire et lui de gigoter, il se jeta à son côté sur le divan, approcha sa face si miesque de cette tête angélique, et lui soufflant sa joie dans la figure, « Enfoncez les spritches, dégotez la spritaille, j'ai trouvé mon coup, le grand coup. » « Bien sûr, qui donc ça ?» Le nom qu'il dit amena sur les lèvres de Sephora une jolie moue de dédain. « Comment, ce grand serin ? Mais il n'a plus le sou. Nous l'avons tondu, rasé, lui et son lion d'Illyrie. Il ne lui reste pas ça de duvet sur le dos. Blague pas le lion d'Illyrie, ma fille. Rien que la peau vaut 200 millions, » dit Tom reprenant son flegme. Les yeux de la femme flambèrent. Il répéta, en appuyant sur chaque syllabe, « 200 millions !» Puis, froidement, nettement, il lui expliqua le coup. Il s'agissait d'amener Christian II à accepter les propositions de la diète et à céder ses droits à la couronne pour le beau prix qu'on lui offrait. En somme, quoi ? Une signature à donner, pas davantage. Christian, seul, se serait décidé depuis longtemps. C'est l'entourage, la reine surtout qui l'arrêtait, l'empêchait de signer cette renonciation. Il faudrait bien en venir là, pourtant, un jour ou l'autre. Plus le sou à la maison. On devait dans tout s'immander, au boucher, au marchand d'avoine, car malgré la misère des maîtres, il y avait encore des chevaux à l'écurie. Et toujours maison montée, table mise, les apparences du luxe avec des privations sinistres par-dessous. Le linge royal, portant couronne, se trouait dans les armoires où on ne le remplaçait pas. Les écuries étaient vides, les plus grosses pièces d'argenterie engagées. Et le service, à peine suffisant, restait souvent plusieurs mois impayé. Tous ces détails, Tom les tenait de Lebeau, le valet de chambre, qui lui avait appris aussi l'histoire des 200 millions proposés par la diète de Leibar et la scène à laquelle ils avaient donné lieu. Depuis que le roi se savait 200 millions, là, tout près, contre une béquille d'encre, il n'était plus le même, ne riait plus, ne parlait plus, gardait toujours cette idée fixe comme un point névralgique au même côté du front. Il avait des humeurs de dogue, de gros soupirs silencieux. Pourtant, rien n'était changé à son service particulier. Secrétaire, valet de chambre, cocher, valet de pied. Le même luxe coûteux d'ameublement et de tenue. Cette Frédéric, enragée d'orgueil, croyant masquer à tout sa détresse à force de hauteur, n'aurait jamais permis que le roi fût privé de rien. Quand il mangeait par hasard rue Herbillon, la table devait être luxueusement servie. Ce qui manquait, par exemple, ce qu'elle ne pouvait pas fournir, c'était l'argent de poche pour le club, le jeu, les demoiselles. Évidemment, le roi succomberait par là. Un beau matin, après quelques longues veillées au baccarat, à la bouillotte, ne pouvant pas payer, ne voulant pas devoir, voyez-vous Christian Delliry affiché au grand club, il prendrait sa belle plume et signerait d'un trait sa démission de monarque. La chose serait même déjà arrivée sans le vieux Rosen qui, secrètement, malgré la défense de Frédéric, recommençait à payer pour Monseigneur. Aussi, le plan était-il de lui faire dépasser le niveau des petites dettes courantes, de l'entraîner aux vraies dépenses, à des engagements multiples dépassant les ressources du vieux duc. Cela demandait une avance d'argent considérable. Mais, disait Tom Lévis, l'affaire est si belle que les fonds ne nous manqueront pas. Le mieux serait d'en parler au père Limans et d'opérer en famille. Seulement, ce qui m'inquiète, c'est le grand ressort, c'est la femme. « Quelle femme ?» demanda Séphora, élargissant son regard ingénu. « Celle qui se chargera de passer la corde au cou du roi. Il nous faut une mangeuse pour de bon, une fille sérieuse et d'estomac solide qui s'attaque tout de suite au gros morceau. Ami Ferra, peut-être ? Ah, wish ! Usée, archi-usée. Et puis, pas assez sérieuse. Ça soupe, ça chante, ça fait la noce en vraie jeunesse. » Pas la femme à roustir son petit million par mois, paisiblement, sans avoir l'air d'y toucher, tenant sa dragée haute, se débitant au détail, au centimètre carré, et plus cher qu'un terrain sur la rue de la Paix. « Oh, je sens bien comme il faudrait mener la chose !» dit Séphora rêveuse. « Mais qui ?»« Ah, voilà ! Qui ?» Et le rire muet qu'ils croisèrent valait une association. « Va, puisque tu as déjà commencé !» « Comment ? Tu sais donc ? Est-ce que je ne vois pas son jeu quand il te regarde et ses stations près du grillage aussitôt qu'il me croit sorti ? D'ailleurs, il n'en fait pas mystère et raconte son amour à qui veut l'entendre. Il l'a même écrit et consigné sur le livre du club. » En apprenant l'histoire du pari, la tranquille Séphora s'émut. « Ah, vraiment ? 2000 louis qu'il coucherait ? Par exemple, c'est trop fort !» Elle se leva, fit quelques pas pour secouer sa colère, puis, revenant vers son mari, « Tu sais, Tom, voilà plus de 3 mois que j'ai ce grand nigaud pendu après ma chaise. Eh bien, tiens, pas seulement ça !» On entendit le craquement d'une petite griffe contre une dent qui ne demandait qu'à mordre. Elle ne mentait pas. Depuis le temps qu'il lui faisait la chasse, il en était encore à lui toucher le bout des doigts, à mordiller après elle ses porte-plumes, à se griser au frôlement de sa jupe. Jamais pareille chose n'était arrivée à ce prince charmant, gâté des femmes, assailli de sourires quêteurs et de lettres parfumées. Sa jolie tête frisée, où restait l'empreinte d'une couronne, la légende héroïque savamment entretenue par la reine, et sur toute chose le parfum de séduction qui enveloppe les êtres aimés, lui avait valu dans le faubourg de vrais succès. Plus d'une jeune femme aurait pu montrer, pelotonner sur un divan de boudoir aristocratique, un ouistiti de la cage royale. Et dans le monde des coulisses, en général monarchique et bien pensant, cela posait tout de suite une demoiselle d'avoir sur son album à souvenirs le portrait de Christian II. Cet homme, habitué à sentir les yeux, les lèvres, les cœurs aller vers lui, à ne jamais jeter son regard sans que quelque chose frémît au bout, se morfondait depuis des mois en face de la nature la plus paisible, la plus froide. Elle jouait à la caissière modèle, comptait, chiffrait, tournait les pages lourdes, ne montrant aux soupirants que la rondeur veloutée de son profil, avec le frisson d'un sourire en coin, finissant à l'œil, au bord des cils. Le caprice du slave s'amusa d'abord de cette lutte, l'amour-propre s'en mêlait aussi, tous les yeux du grand club visés sur lui. Et cela finit en vraie passion, alimentée par le vide de cette existence inoccupée, où la flamme montait droit sans obstacle. Il venait tous les jours vers 5 heures, le beau moment des journées de Paris, l'heure des visites, où se décident les plaisirs du soir, et peu à peu, tous les jeunes gens du club qui lunchaient à l'agence et rôdaient autour de Séphora cédaient respectueusement la place. Cette désertion, diminuant le chiffre des petites affaires courantes, augmenta la froideur de la dame. Et comme le lion d'Illyrie ne rapportait plus rien, Elle commençait à faire sentir à Christian qu'il la gênait, qu'il accaparait trop royalement l'angle entrouvert de son grillage, quand tout cela changea subitement, d'un jour à l'autre, au lendemain de sa conversation avec Tom. « On a vu Votre Majesté hier soir aux fantaisies. » À cette demande, appuyée d'un regard anxieux et triste, Christian II se sentit délicieusement troublé. « En effet, j'y étais. »« Pas seul ?»« Mais... »« Ah, il y a des femmes heureuses !» Tout de suite, pour atténuer la provocation de sa phrase, elle ajouta que, depuis longtemps, elle avait une envie folle d'aller dans ce petit théâtre, voir cette danseuse suédoise, vous savez, mais son mari ne la menait nulle part. Il lui proposa de la conduire. « Oh, vous êtes trop connu !» En restant bien caché au fond d'une baignoire. Bref, on prit rendez-vous pour le lendemain, car justement, Tom passait sa soirée dehors. Quelle délicieuse escapade ! Elle, sur le devant de la loge, en toilette savante et discrète, épanouie d'une joie d'enfant, à regarder la danse de cette étrangère qui eut à Paris son heure de célébrité, une Suédoise au mince visage, aux gestes anguleux, montrant sous ses bandeaux blonds des yeux brillants et noirs tenant l'iris entier, des yeux de rongeur, et, dans ses élans, dans ses bonds silencieux, tout de noir vêtu, l'effarement aveugle d'une grande chauve-souris. « Que je m'amuse ! Que je m'amuse !» disait Séphora. Et le roi viveur, immobile derrière elle, une boîte de fondant sur les genoux, ne se souvenait pas d'une volupté plus douce que le frôlement de ce bras nu sous la dentelle, de cette haleine fraîche qui se tournait vers lui. Il voulut la reconduire jusqu'à la gare Saint-Lazare, puisqu'elle repartait pour la campagne, et, dans la voiture, eut un élan emporté, l'attira à plein bras contre son cœur. « Oh ! Dit-elle tristement, vous allez me gâter tout mon plaisir !» L'immense salle d'attente du premier était déserte, mal éclairée. Assis tous les deux sur un banc, Séphora, frissonnante, s'abritait dans l'ample fourrure de Christian. Ici, elle n'avait plus peur, s'abandonnait, parlait au roi bas dans l'oreille. De temps en temps, passait un employé balançant sa lanterne ou quelques bandes de comédiens habitant la banlieue et rentrant après le théâtre. Parmi eux, le mystère d'un couple enlacé, marchant à l'écart. « Qu'ils sont heureux !» murmurait-elle. « Ni lien, ni devoir, suivre l'élan de son cœur. Tout le reste est une duperie. » Elle en savait quelque chose, hélas. Et soudain, comme entraînée, elle lui racontait sa triste existence avec une sincérité qui le toucha, les embûches, les tentations des rues de Paris pour une fille que l'avarice de son père faisait pauvre, à 16 ans le sinistre marché, la vie finie, les 4 ans passés près de ce vieillard pour qui elle n'avait été qu'une garde-malade, ensuite, ne voulant plus retomber dans la boutique trafiquante du père Limans, la nécessité d'un guide, d'un soutien, qui lui avait fait épouser ce Tom Lévis, un homme d'argent. Elle s'était donnée, dévouée, privée de tout plaisir, terrée vive à la campagne, puis mise à ce travail d'employé, et cela sans un merci, sans une grâce de cet ambitieux tout à ses affaires, qui, à la moindre velléité de révolte, au moindre désir de vivre, opposait toujours ce passé dont elle n'était pas responsable. « Ce passé, dit-elle en se levant, qui m'a valu le sanglant outrage paraphé de votre nom sur le livre du Grand Club. » La cloche, sonnant le départ, arrêta juste où il le fallait ce petit effet théâtral. Elle s'éloigna de son pas glissant que suivaient les noires légèretés de sa jupe, envoya à Christian un salut des yeux, de la main, et le laissa stupéfait, immobile, étourdi de ce qu'il venait d'entendre. Elle savait donc comment. Oh, qu'il s'en voulait de sa lâcheté, de sa forfanterie! Il passa sa nuit à écrire, à demander pardon dans un français semé de toutes les fleurs de sa poésie nationale, qui compare la bien-aimée aux colombes roucoulantes, aux fruits rosés de l'Azerolles. Merveilleuse invention de Séphora, ce reproche du Paris. Cela lui donnait barre en plein sur le roi et pour longtemps. Cela expliquait aussi ses longues froideurs, ses accueils presque ennemis et le marchandage savant qu'elle allait faire de toute sa personne. Un homme ne doit-il pas tout supporter de celle à qui il a fait un affront pareil ? Christian devint le servant timide et docile à tous les caprices, le Sigisbée en titre, au vu et su de tout Paris. et si la beauté de la dame pouvait lui servir d'excuse aux yeux du monde, l'amitié, la familiarité du mari n'avaient rien de réjouissant. « Mon ami Christian II, » disait J. Tom Lévis, redressant sa petite taille. Il eut une fois la fantaisie de le recevoir à Courbevoie, histoire de causer au Sprich une de ces rages jalouses qui hâtaient les jours de l'illustre couturier. Le roi parcourut la maison et le parc, monta dans le yacht, consentit à se laisser photographier sur le perron au milieu des châtelains qui voulaient éterniser le souvenir de cette inoubliable journée. Et le soir, pendant qu'on tirait en l'honneur de Sa Majesté un feu d'artifice, dont les fusées tombaient, doublées par la Seine, Séphora, appuyée au bras de Christian, lui disait le long des charmilles, toute blanche d'un reflet de flamme de Bengale, « Oh, comme je vous aimerais si vous n'étiez pas roi !» C'était un premier aveu et bien adroit. Toutes les maîtresses qu'il avait eues jusqu'ici adoraient en lui le souverain, le titre glorieux, la lignée d'ancêtres. Celle-là l'aimait bien pour lui-même. « Si vous n'étiez pas roi !» Il était si peu, il lui aurait si volontiers sacrifié le lambeau de pourpre dynastique qui lui tenait à peine aux épaules. Une autre fois, elle s'expliquait mieux encore. Comme il s'inquiétait de la trouver pleurante et pâlie, « J'ai bien peur que nous ne nous voyons plus bientôt, » répondit-elle. « Et pourquoi ?»« Il m'a déclaré tout à l'heure que les affaires allaient trop mal pour les continuer en France, qu'il faudrait fermer boutique, aller s'installer ailleurs. » « Il vous emmène ?»« Oh, je ne suis qu'une gêne à son ambition. Il m'a dit, viens si tu veux. Mais il faut que je le suive. Que deviendrai-je toute seule ici ?»« Méchante, est-ce que je ne suis pas là ?» Elle le regarda fixement, droit dans les yeux. « Oui, c'est vrai, vous m'aimez, vous, et moi aussi, je vous aime. Je pourrais être à vous sans honte. Mais non, c'est impossible. » « Impossible ? » demanda-t-il tout haletant du paradis entrevu. « Vous êtes trop haut pour Séphora Lévis, monseigneur. » Et lui, avec une fatuité adorable, « Mais je vous élèverai jusqu'à moi. Je vous ferai comtesse, duchesse. C'est un des droits qui me reste, et nous trouverons bien quelque part dans Paris un nid d'amoureux où je vous installerai d'une façon digne de votre rang, où nous vivrons tout seuls, rien que nous. Oh, ce serait trop beau !» Elle rêvait, levant ses yeux de petite fille candides et mouillées. Puis, vivement, « Mais non, vous êtes roi. Un jour, en plein bonheur, vous me quitteriez. »« Jamais. Et si l'on vous rappelle ?»« Où donc, en Illyrie ? Mais c'est fini, à jamais rompu. J'ai manqué l'an dernier une de ces occasions qui ne reviennent pas deux fois. »« Bien vrai ? » dit-elle avec une joie qui n'était pas feinte. « Oh, si j'en étais sûre !» Il eut aux lèvres pour la convaincre un mot qu'il ne dit pas, mais qu'elle entendit bien. Et le soir, J. Tom Lévis, que Séphora tenait au courant de tout, déclara solennellement que ça y était, qu'il fallait prévenir le père. Séduit comme sa fille par l'imagination, la verve communicative, l'inventif bagout de Tom Lévis, les Mans avaient pris plusieurs fois de l'argent dans les coups de l'agence. Après avoir gagné, il avait perdu, suivant en cela les chances du jeu. Mais lorsqu'il se fut fait rouler, comme il disait, deux ou trois fois, le bonhomme prit une attitude. Il ne récrimina pas, ne s'emporta pas, connaissant trop bien les affaires et détestant les paroles inutiles. Seulement, quand son gendre vint encore lui parler de commandite pour un de ses merveilleux châteaux en Espagne, que son éloquence élevait jusqu'aux cieux, le brocanteur eut un sourire dans sa barbe, signifiant très net « N-I-N-I, c'est fini » et un abaissement des paupières qui semblait ramener à la raison, au niveau des choses faisables, les extravagances de Tom. L'autre savait cela, et comme il tenait sagement à ce que l'affaire d'Illyrie ne sortît pas de la famille, il dépêcha Séphora vers le brocanteur, qui s'était pris en vieillissant d'une sorte d'affection pour son unique enfant, chez qui d'ailleurs il se sentait revivre. Depuis la mort de sa femme, Lemans avait cédé son magasin de curiosités de la rue de la Paix, se contentant de sa brocante. C'est là que Séphora vint le trouver un matin de bonne heure pour être sûre de le rencontrer, car il restait peu chez lui, le vieux. Immensément riche et retiré du trafic, au moins en apparence, il continuait à fureter dans Paris du matin au soir, courait les marchands, suivait les ventes, cherchant l'odeur, le frottis des affaires et surtout surveillant avec une acuité merveilleuse la foule de petits brocanteurs, industriels, marchands de tableaux, de bibelots qu'il commanditait sans l'avouer, de peur qu'on soupçonnât sa fortune. Sephora, par un caprice, un ressouvenir de sa jeunesse, vint à pied rue Eguinart de la rue Royale, suivant à peu près la route qui la ramenait jadis du magasin. Il n'était pas 8 heures. L'air était vif, les voitures encore rares, et vers la Bastille, il restait de l'aube une nuée orange où le génie doré de la colonne avait l'air de tremper ses ailes. De ce côté, par toutes les rues dépendantes, sortait un joli peuple de filles du faubourg, s'en allant au travail. Si le prince d'Axel s'était levé assez tôt pour guetter la descente, il eût été content ce matin-là. Par deux, par trois, causante, alerte, marchant très vite, elle regagnait les fourmillants ateliers des rues Saint-Martin, Saint-Denis, Vieille du Temple, et quelques rares élégantes, les magasins des boulevards, plus éloignés, mais plus tard ouverts. Ce n'était pas l'animation du soir, quand, la tâche finie, la tête pleine d'une journée de Paris, on s'en retourne au gîte, avec du train, des rires, souvent le regret d'un luxe entrevu, qui fait paraître la mansarde plus haute et l'escalier plus sombre. Mais s'il restait encore du sommeil dans ces jeunes têtes, le repos les avait parés d'une sorte de fraîcheur que complétaient les cheveux soigneusement coiffés, le bout de ruban noué dans les nattes sous le menton et le coup de bronze donné avant le jour aux robes noires. Ça et là, un bijou faux, au bord d'une oreille rose de froid, un peigne rutilant, le clinquant d'une boucle à la taille, la ligne blanche d'un journal pliée dans la poche d'un waterproof. Et quelle hâte, quel courage! Des manteaux légers, des jupes minces, la marche mal assurée sur des talons trop hauts, que les courses nombreuses ont tournées. Chez toutes, le désir, la vocation de la coquetterie, une façon de s'en aller le front levé, les yeux en avant, avec la curiosité de ce qu'apportera cette journée commencée, des natures toutes prêtes pour le hasard, comme leur type parisien, qui n'en est pas un, est prêt pour toutes les transformations. Sephora n'était pas sentimentale et ne voyait jamais rien en dehors de la chose et de l'heure présente. Pourtant, ce piétinement confus, ce bruissement hâtif autour d'elle l'amusait. Sur tous ses minois, elle retrouvait sa jeunesse dans ce ciel matinal, dans ce vieux quartier si curieux dont chaque rue porte à son angle, sur un cadre, le nom des notables commerçants et qui n'avait pas changé depuis 15 ans. En passant sous la voûte noire, servant d'entrée à la rue Eginhard, du côté de la rue Saint-Paul, elle rencontra la longue robe du rabbin qui se rendait à la synagogue voisine. Deux pas plus loin, le tueur de rats, avec sa gaule et sa planchette, à laquelle pendent les cadavres velus, type de l'ancien Paris, qu'on ne trouve plus qu'en ce pâté de maisons moisies où tous les rats de la ville ont leur quartier général. Plus loin encore, un cocher de remise que tous les matins de sa vie d'ouvrière, elle avait vu s'en aller ainsi, lourd dans ses grosses bottes peu habituées à la marche, tenant précieusement à la main, tout droit comme un cierge de communion, ce fouet qui est l'épée du cocher, l'insigne de son grade, et ne le quitte jamais. À la porte des 2 ou 3 boutiques composant toute la rue et dont on ôtait les volets, elle vit les mêmes loques pendues en tas, entendit le même baragouin hébraïque et tudesque, et lorsque, après avoir franchi le porche bas de la maison paternelle, la petite cour et les 4 marches menant à la brocante, elle tira le cordon de la crécelle fêlée, il lui sembla qu'elle avait 15 ans de moins sur les épaules, 15 ans d'ailleurs qui ne lui pesaient guère. Comme à cette époque, la Darnay vint lui ouvrir, une robuste auvergnate, dont la face luisante et colorée, avec des dessous sombres, le châle à pois étroitement noué, la coiffe noire liserée de blanc, semblait porter le deuil d'une boutique à charbon. Son rôle à la maison était visible, rien qu'à sa manière d'ouvrir la porte à Sephora, rien qu'au sourire à lèvres pincées que, face à face, échangèrent les 2 femmes. « Mon père est là ?»« Oui, madame, dans l'atelier, je vais l'appeler. »« C'est inutile, je sais où c'est. » Elle traversa l'antichambre, le salon, ne fit que 3 enjambées du jardin, un puits noir entre 2 grands murs où montaient quelques arbres, encombrés dans ses allées étroites par d'innombrables vieilleries, ferrailles, plomberies, rampes ouvragées, fortes chaînes dont le métal oxydé et noirci s'accordait bien avec les buitrices, le ton verdâtre de vieilles fontaines du jardin. D'un côté, un hangar débordant de débris, carcasses de meubles cassés de tous les temps, avec des entassements de tapisseries roulées dans les coins. De l'autre, un atelier tout en vitres dépolies pour échapper aux indiscrétions des étages voisins. Là, montait jusqu'au plafond, dans un apparent désordre, un assemblage de richesses, connues seulement du vieux à leur juste valeur, lanternes, lustres, torchères, panoplies, brûle-parfums, bronzes antiques ou exotiques. Au fond, deux fourneaux de forgerons, des établis de menuisiers, de serruriers. C'est là que le brocanteur retapait, copiait, rajeunissait les vieux modèles avec une habileté prodigieuse et des patiences de bénédictin. Autrefois, le vacarme était grand du matin au soir, 5 ou 6 ouvriers entourant le maître. On n'entendait plus maintenant que le cliquetis d'un marteau sur le métal fin, un grignotement de lime, éclairé le soir d'une lampe unique, témoignant que la brocante n'était pas morte. Quand sa fille entra, le vieux léman, son grand tablier de cuir, les manches de sa chemise retroussées sur des bras velus et blonds, comme s'ils avaient ramassé des parcelles de cuivre à l'établi, était en train de forger à l'étau un chandelier Louis XIII dont il avait le modèle sous les yeux. Au bruit de la porte, il releva sa tête rubiconde, perdue dans une chevelure et une barbe d'un blanc roux, et fronça ses épais sourcils inégaux, où son regard se démêlait comme entre les poils retombants d'un griffon. « Bjour, pas !» dit Séphora, qui feignit de ne pas voir le geste embarrassé du bonhomme, essayant de dissimuler le flambeau qu'il tenait, car il n'aimait pas à être dérangé, ni aperçu dans son travail. « C'est toi, petite ?» Il frotta son vieux museau sur les deux joues délicates. « Qu'est-ce qu'il t'arrive ? » demanda-t-il en la poussant dans le jardin. « Pourquoi t'es-tu levée de si bonne heure ? » ?»« J'ai à vous dire quelque chose de très important. »« Viens !» Il entraînait vers la maison. « Oh, mais vous savez, je ne veux pas que la darnée soit là !» Bon, bon, dit le vieux, souriant dans ses broussailles. Et en entrant, il cria à la servante en train de faire reluire les glaces d'un miroir de Venise, toujours essuyant, fourbissant, le front lisse comme un parquet. « Darnay, tu iras voir dans le jardin si j'y suis. » Et le ton dont ce fut dit prouvait que le vieux pacha n'avait pas encore abdiqué aux mains de l'esclave favorite. Ils restèrent, le père et la fille, tous deux seuls dans le petit salon soigné, bourgeois, dont le meuble couvert de housses blanches, les petits tapis de laine au pied des chaises, contrastaient avec le tohu-bohu des richesses poussiéreuses dans le hangar et l'atelier. Comme ces fins cuisiniers qui n'aiment que les mets les plus simples, le père Lehmanns, si expert et curieux aux choses d'art, n'en possédait pas chez lui la moindre bribe et montrait bien en cela le marchand qu'il était, estimant, trafiquant, échangeant, sans passion ni regret, non comme ces artistes du bibelot qui, avant de céder une rareté, s'inquiètent de la façon dont l'amateur pourra l'entourer, la faire valoir. Seulement, au mur, son grand portrait en pied, signé Watelet, et le représentant au milieu de ses ferrailles, en pleine forge. C'était bien lui, un peu moins blanc, mais pas changé, toujours maigre, toujours voûté, toujours sa tête d'homme-chien, à la barbe rutilante et plate, aux cheveux longs, en salade, ne laissant voir de la figure qu'un nez rougi par une inflammation perpétuelle et qui donnait une face d'ivrogne à ce sobre buveur de thé. Le tableau était la seule marque caractéristique de la salle, avec un livre de messe posé la tranche à plat sur la cheminée. Lehmanns lui devait quelques bonnes affaires à ce livre. Par là, il se distinguait de ses concurrents, ce vieux mécréant de Schwalbach, la mère Ésaü et les autres, avec leurs origines de ghetto, tandis qu'il était, lui, chrétien, marié par amour à une juive, mais chrétien, même catholique. Cela le servait près de sa haute clientèle. Il entendait la messe dans l'oratoire de ces dames, chez la comtesse Mallet, chez l'aînée des Sismondo, se montrer le dimanche à Saint-Thomas d'Aquin, à Sainte-Clotilde, où allaient ses meilleurs clients, tandis que, par sa femme, il tenait les maisons des grands traitants israélites. En vieillissant, cette grimace religieuse était devenue un pli, une habitude, et souvent le matin, partant à ses affaires, il entrait à Saint-Paul prendre, comme il disait sérieusement, un petit bout de messe, ayant remarqué que tout lui réussissait mieux ces jours-là. « Et alors » dit-il en regardant sa fille sournoisement. « Une grosse affaire, pas !» Elle tira de son sac une liasse de billets, de traite portant la signature de Christian. « Il faudrait escompter ça. Veux-tu ?» Rien qu'en voyant l'écriture, le vieux eut une grimace qui fronça toute sa figure, la fit disparaître presque en entier dans sa toison, avec le mouvement d'un hérisson en défense. « Du papier d'Illyrie ? Merci, je connais ça. Il faut que ton mari soit fou pour se charger d'une commission pareille. Voyons, vraiment, vous en êtes là ?» Sans s'émouvoir de cet accueil auquel elle s'attendait, « Écoute, dit-elle. » Et de son air posé, elle lui conta la chose, le grand coup, en détail, avec preuves à l'appui, le numéro du Kernarou où se trouvait la séance de la diète, des lettres de Lebeau les tenant au courant de la situation. Le roi, amoureux fou, s'occupait d'installer son bonheur. Un hôtel superbe avenue de Messine, maison montée, équipage, il voulait tout cela pour la dame, prêt à signer autant de billets qu'il faudrait, au taux que l'on voudrait. Les mains s'ouvraient maintenant ses deux oreilles, faisaient des objections, demandaient, furetaient dans tous les coins de cette affaire, si savamment manigancée. « À combien les traites ?»« À 3 mois. »« Alors, dans 3 mois ?»« Dans 3 mois ?» Elle eut le geste de serrer en nœud coulant un pli de la bouche amincissant sa lèvre calme. « Et l'intérêt ?»« Aussi gros que tu voudras. Plus les traites seront lourdes, mieux ça nous ira. Il faut qu'il n'ait pas d'autre ressource que de signer son renoncement. » Et, une fois signé, alors ça regarde la femme. Elle a devant elle un monsieur de 200 millions à grignoter. Et si elle garde tout pour elle, il faut une femme dont on soit diablement sûr. Nous en sommes sûrs. Qui est-ce? Tu ne la connais pas, dit Séphora sans sourciller, remettant toutes les paperasses dans son petit sac de plaideuse. Laisse donc ça, fit le vieux vivement. C'est beaucoup d'argent, sais-tu, une mise de fonds considérable. J'en parlerai à Pichéry. Prenez garde, pas. Il ne faudrait pas se mettre trop de monde là-dessus. Il y a déjà nous, Lebeau, puis vous. Si vous allez encore en chercher d'autres. Seulement Pichéry. Tu penses, à moi tout seul, je ne pourrais pas. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elle répondit froidement. Oh, il en faudra bien davantage. Un silence. Le vieux réfléchissait, abritant sa pensée sous ses poils. Enfin, voilà, dit-il. Je fais l'affaire, mais à une condition. Cette maison de l'avenue de Messine, il va falloir la meubler chiquement. Eh bien, c'est moi qui fournirai le bibelot. Dans les trafics de l'usurier, le brocanteur montrait sa patte. Séphora partit d'un éclat de rire à 32 dents. Oh, la vieille fripe! La vieille fripe! Disait-elle, se servant d'un mot qu'elle retrouvait soudain dans l'air de la brocante et qui jurait avec sa distinction de toilette et de tenue. Allons, c'est convenu, pas. Vous fournirez le bibelot, mais rien de la collection de maman, par exemple. Sous cette étiquette hypocrite, collection de Madame Lemans, le brocanteur avait groupé un ramassis d'objets tarés, invendables, dont il se défaisait magnifiquement grâce à cette grimace sentimentale, ne détachant du précieux lot des reliques de sa chère défunte que ceux qu'on lui payait au poids de l'or. « Vous m'entendez, vieux ? Pas de carottes, pas de panne. La dame s'y connaît. »« Tu crois qu'elle s'y connaît ? Fit le vieux chien dans ses moustaches. Comme vous et moi, je vous dis. Mais enfin !» Il approchait son museau du joli minois, et sur tous deux, le brocantage était écrit sur le vieux parchemin et sur le duvet de feuilles de rose. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette femme ? Tu peux bien me le dire, maintenant que j'en suis. C'est... Elle s'arrêta un moment, rattacha les larges brides de son chapeau sous l'ovale fin du visage, jeta au miroir un regard satisfait de jolie femme où se mêlait un nouvel orgueil. « C'est la comtesse de Spalato, » dit-elle gravement.